qui reste après ça quand tu as vécu une situation comme ça? Il y a toujours une impression profonde qui reste. Souvent, ça ne s'était pas fait aller de l'autre bord et rester là. Fait qu'il te renvoie ici. Mais ça te marque. Puis en venant, c'est bénéfique. Ta vie change radicalement. Que je continue. Disent que l'homme doit apprendre à conquérir son humanité et à entrer dans sa super-humanité, dans sa sur-humanité. Et pour ça, il faut qu'ils se greffent à eux autres. Si tu ne te greffes pas à eux autres, si tu ne te greffes pas à ton double, à ta source, à ta lumière, puis tu restes pogné dans ta réflexion, tu ne pourras jamais le faire. Ça petit à petit. Il y a des contacts comme le mien, par exemple, qui viennent de très, très, très, très loin sur les plans. Très loin. Ces contacts-là sont très froids. Puis, en général, ces contacts-là sont réservés aux receveurs par des initiés. Parce que les initiés vivent une sorte de disconnexion avec leur humanité, puis sont protégés de la folie. C'est ça qui permet l'ouverture d'un canal, puis seulement les chocs sont tellement immenses. C'est pour ça que je suis malade aujourd'hui. 30 ans de chocs, là, c'est normal que t'aies le cancer. Mais c'est ça qui permettra à l'homme, finalement, d'accéder à la genèse du rêve. Et après ça, les hommes qui vont suivre ces instructions ou cette psychologie-là vont pouvoir bénéficier d'une vertu de propre conscience. Ça, c'est comme embrasser une femme que tu ne veux pas embrasser, cette affaire-là. Des questions, allez-y, parce que je peux conserver mon énergie le plus possible. Oui? Comment on fait se greffer à notre dos? En apprenant à ne pas avoir peur de la discordance de vos pensées, parce qu'ils vont toujours jouer, ils vont toujours travailler à briser la polarité. La polarité, pour nous autres, c'est notre travail. Le bien, le mal, le bon, le pas bon. Ils vont toujours jouer ça. Puis éventuellement, bien, on devient bon à ça, on devient expert, si vous voulez, avoir le travail. Parce qu'on est obligé de mettre le mental en vibration. Les cellules en vibration. C'est pour ça que j'ai déjà parlé des scénarios dans le temps, là. Les scénarios qu'on a dans la tête, là. Checkez bien ça. C'est leur table de ping-pong, eux autres. C'est à travers ça qui nous attrape. Qui attrape l'ego. Qui attrape l'ego. Je pense que les scénarios vont exister jusqu'à temps qu'on meurt. Mais éventuellement, ça ne nous touche plus. Quand ça ne touche plus, mais il existe, tu sais. Question? Oui, des gens gênés, puis des gens qui... Qu'est-ce que vous entendez par les scénarios qu'on a dans la tête? Les scénarios, c'est tout ce qui se passe dans votre bol. Qui vous achale. Qui sont pas sûrs. Qui crée l'incertitude. Qui crée le doute. Est-ce que se mêler de ces affaires sur le plan mental, ce serait une réponse à tout ce qui est domination? Se mêler de ces affaires sur le plan mental, ça fait partie de... Ça fait partie de... La maturité de l'homme. C'est bien important de se mêler de ces affaires. Rentrer dans ne pas vous impliquer. Parce que vous perdez beaucoup d'énergie quand vous vous impliquez, puis vous ne réalisez pas. C'est tous les gens qui sont fins, qui sont bons, là, tu sais. Les mains, puis les donneurs, le monde spirituel. C'est ça que vous faites attention. Moi, je me mêle à mes affaires. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur la pensée réfléchie? Ça, c'est un concept qui... La pensée réfléchie est utile pour la manutention de la matière, l'étude de la matière, les sciences. Pas pour l'étude de soi. Si vous êtes en sciences, en physique, en maths, en politique, la pensée réfléchie est extraordinaire jusqu'à un certain point. En politique, là, vous commencez à tomber dans la psychologie des nations. Là. Ça va plus loin que ça, souvent. Mais les sciences est très utile. Vous êtes architecte, tout ça, merveilleux. Parce qu'elle devient créative. Mais aussitôt que vous l'appliquez à vous-même, là, vous allez commencer à tomber dans le marais. Vous allez commencer à vous analyser, vous allez vous trouver des bourreaux. Regardez ce qui dit un homme comme vous. Comme vous doit se réaliser comme étant intelligent sans avoir besoin de s'analyser pour voir s'il l'est. C'est pas évident. Non. On peut s'élaborer un peu plus. Ça. Question. Gênez-vous pas. Là, vous ne freinez pas avantage de moi, là.